Tell me about that work, work, work, work, work, work. When you walk a line, line, line, line, line. I'm in the cafe, my tie, tie, tie, tie, tie. Drive me, I deserve it. No time to have you lurking. If I go back, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and all and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work. You tell me I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. There's something about that work, work, work, work, work, work. Da, da, da, da, da, da. When you walk out, da, da, da, da, da, da. Before the tables turn, turn, turn, turn, turn, turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets, uh-huh. If I get another chance to, I will never, no, never neglect you. Against you, I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why, why, why, why, why, why. It's me, I feel why, why, why, why, why, why. You see me do my da, da, da, da, da, da. So me by that why, why, why, why, why. When you walk out, la, la, la, la, la, la. When I care for my ta, ta, ta, ta, ta. Yeah, okay. We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's me up there, work, work, work, work, work, work. You see me do my da-da-da-da-da-da. So me better work, work, work, work, work, work. When you walk out, la-la-la-la-la. When I care for my ta-ta-ta-ta-ta. Et une petite pensée à ceux qui vont work, work, work, work, work. Aujourd'hui, en ce mercredi, on est le 27 juillet. Il est 6h tout pile. Bonne matinée, bon réveil tout le monde. À l'écoute de Skyrock, Mehdi avec vous et c'est parti pour le morning. Rap R&B tous les matins, toute cette semaine. Entre 6h et 9h avec notamment des cadeaux à gagner tout à l'heure. Justement, Rihanna, on va en reparler. La roulette est aussi qui va tourner. Et puis, avant de vous parler de tout ça, avant d'écouter le son de Designer avec Panda, on va faire un point sur l'actu de ce mercredi, donc 27 juillet, avec Rémi, qui est là en face de moi. Salut, yeah. Rémi. Salut, Mehdi. Comment ça va? Bon, ça va, tranquille. Eh ben écoute, tant mieux. Avant de développer l'actu, on fait un point sur le temps, la météo, Rémi. Ah ben, ça reste une belle journée côté ciel. Le soleil fera de belles apparitions partout sauf dans le nord, c'est vrai, voilà. Ce sera un petit peu maussade et même pluvieux du Finistère au nord Pas-de-Calais. Aujourd'hui, les températures, on a 12 degrés à Beauvais, 13 à Nevers, 14 à Lille et à Clermont-Ferrand, 15 à Nantes et au Mans, 17 à Bordeaux et à Paris, 19 à Lyon, 21 à Toulon, 22 à Marseille, 23 à Nice. Au meilleur de la journée, il fera 20 à Cherbourg, 22 à Caen et à Lille, 24 à Biarritz, 25 à Nancy et à Paris, 27 à Saint-Étienne, 28 à Châteauroux, 29 à Toulouse, 30 à Marseille et à Lyon, 32 à Valence et 35 du côté de Nîmes. La pollution, et c'est plutôt bon, les indices sont compris entre 2 et 4. Ça monte à 5 sur Montpellier, Toulon, Nice et Mulhouse. 6h01, Designer, ça vient juste après l'actu tout de suite. Et les Français doivent intégrer que nous sommes en guerre et changer leurs habitudes. Une guerre qui sera longue et difficile. Ce sont les mots de Manuel Valls qui s'est exprimé hier soir au JT de TF1. Le président avait pris la parole quelques minutes plus tôt. Il reste sur la même ligne de fermeté et demande le rassemblement plutôt que la polémique. Daesh a rapidement revendiqué l'attaque d'hier à Saint-Étienne-du-Rouvray, non loin de Rouen, en Seine-Maritime. Deux individus ont pris en otage un prêtre, des sœurs et des fidèles avant d'être abattus par la BRI. Le curé Jacques Hamel a été égorgé. Une autre personne est toujours entre la vie et la mort ce matin. L'un des assaillants a été formellement identifié. Il s'agit d'Adel Karmich, 19 ans et habitant de la commune. Il était connu des services antiterroristes pour avoir tenté par deux fois de se rendre en Syrie. L'individu avait été incarcéré avant d'être libéré sous bracelet électronique. Le parquet antiterroriste avait fait appel de cette décision mais n'avait pas obtenu gain de cause. Le deuxième auteur de l'attaque est en cours d'identification et des perquisitions se poursuivent. Un mineur a été placé en garde à vue. Le président François Hollande réunit ce matin à 8h45 un conseil de sécurité et de défense à l'Elysée. Le chef de l'État reçoit juste avant les représentants des différents cultes avant de réunir le conseil des ministres à 9h30. Le chômage qui augmente une nouvelle fois, les chiffres ont été communiqués hier soir. plus 0,2% en juin, soit 5400 personnes de plus sur les listes de Pôle emploi. Un nombre qui est toutefois en baisse de 0,7% sur un an. Ce sont les jeunes qui ont été les plus concernés par cette hausse le mois dernier. Le début d'une semaine de grève chez Air France, préavis déposé par les hôtesses et les stewards. Les syndicats veulent peser sur les négociations d'accords d'entreprise. Le mouvement tombe en plein chassé-croisé ce week-end entre juilletistes et haussiens. Les prévisions du trafic ont par contre été revues à la hausse. La compagnie prévoit d'assurer 82% de ses vols. Et si vous devez prendre l'avion, eh bien vous pouvez avoir des infos concernant votre vol directement sur le site d'Air France. Ce n'est pas une surprise, mais c'est tout de même une première au pays de l'oncle Sam. Une femme va représenter l'un des deux grands partis américains à l'élection américaine. Hillary Clinton a officiellement été désignée candidate par les délégués de la convention démocrate réunie à Philadelphie. Elle va désormais pleinement se battre contre son rival républicain Donald Trump. Un sondage donne pour la première fois une avance de 2% pour le milliardaire. Les Américains sont appelés aux urnes le 2 novembre. Et puis du sport et du foot, c'est officiellement la reprise ce soir pour Monaco. Les hommes du Rocher jouent le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ils se déplacent en Turquie pour affronter le Fenerbahçe. Coup d'envoi à 20h45. Merci Rémi, tu reviens tout à l'heure vers 6h30. Ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Rémi, c'est ouais et là. Bah ouais. C'était deux petits mots quoi. Moi ouais, j'aime bien. Ou tu peux les additionner aussi. Ouais là. Voilà. Ouais, tout à l'heure Rémi, 6h40. Un peu Cédric là. Ouais, c'est ça, c'est un peu le belge. Ouais là. Ouais, c'est vrai, tiens, un petit dédicace aux Belges s'ils nous écoutent. Voilà, le belge, Romano, Diffoul, toute l'équipe qu'on va retrouver à la rentrée en direct. Et puis ce soir aussi pour la spéciale entre 21h et minuit sur Skyrock. 6h04, mercredi aujourd'hui, 27 juillet, la roulette qui va tourner avec la compile Planète Rap 2016 à gagner et l'enceinte aussi Monster Backfloat. Et puis deux titres de Rihanna. Ce sera forcément dans l'émission là, dans le Morning Rap R&B entre 6h et 9h. Dès que vous entendez deux titres de Rihanna à la suite, vous envoyez un message au 72020. Vous envoyez Rihanna, surtout par message au 72020. Et vous repartez avec 5 places pour son Stade de France. Ce sera samedi avec Skyrock. Grosse soirée donc au Stade de France et vous êtes invité. Designer, à écouter tout de suite. Voici Panda. I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family, credit cards in the scammers, hitting no licks in the van, legacies, family, way and see them like a panda, going out like a Montana, honey killers on their hands, legacies, family, way and see, family, pockets full, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted, in the bullet you bandit, over killers on the stand, I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, way see, look like a band. Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacy, family, way see, family. Package full, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then they pull up your band, hooker killers on the stand. Hey! Panda. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, twisted up leaning street, sipping fountain. Credit cards and the scammers, wake up beside the shoe, let it sound. Over to Lady shoe, they be acting red time, no be clapping shoe. I be pulling my stuff in the finest shoe. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Black is six, fountain, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla. They come and kill you with bananas. For feelings, I feel it. Pull up in the finer. No niggas, they come and kill you on the comic. But Broly is dancing bigger than the panic. Go out to the Grammy, but pull up your panic. Pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas that's counting for digits. Say you make you a lot in the money. No some killers pull up in the end of baby. CTD, they pull up and they kill it, baby. Cola, feel it, feel like gon' feel it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning it. Bobby, go trending. Chop the dawn, doing business in the brave, doing the fool, doing the penny. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas be panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the band. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on their helmets. Legacies, family, way and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then they pull up your bandit, hope killers understand me. I got broads in Atlanta.

6h28, vous êtes sur Skyrock, debout tout le monde, avec le son de Maître Gims à l'instant. Bien écouter ma beauté dans le morning, rap R&B qui continue avec Rihanna. Et s'il y a deux titres de Rihanna à la suite, il y a 5 places à gagner pour son concert au Stade de France samedi avec Skyrock. On est mercredi 27 juillet aujourd'hui, on fait un point sur l'actu tout de suite et on commence par le temps avec Rémi. Salut Rémi. Salut Mehdi, salut à tous. Alors le temps, ça dit quoi? Eh ben ça dit que ça reste une belle journée côté ciel, hein. Bon, le soleil fera de belles apparitions partout sauf dans le nord. Journée plutôt maussade et même pluvieuse, hein, du Finistère au Nord-Pas-de-Calais. Les températures ce matin, 13 degrés à Blois, 14 à Lille et à Rouen, 15 à Besançon et à Limoges, 17 à Strasbourg et à Paris, 19 à Lyon, 21 à Avignon, 22 à Marseille et à Montpellier. Au meilleur de la journée, il fera 20 au Havre, 22 à Lille et à Rouen, 24 à Rennes, 25 à Paris, 26 à Poitiers, 27 à Annecy, 29 à Limoges, 30 à Marseille et à Lyon, 32 à Perpignan et 33 du côté de Montpellier. Et puis la pollution, c'est plutôt bon. Les indices sont compris entre 2 et 4. Ça monte à 5 sur Montpellier, Toulon, Nice et Mulhouse. Rihanna, peut-être 1, peut-être 2, on va voir. C'est juste après l'actu, là, maintenant à 6h29. Les Français doivent intégrer que nous sommes en guerre et changer leurs habitudes. Une guerre qui sera longue et difficile, ce sont les mots prononcés hier soir par Manuel Valls au journal de 20h sur TF1. Le président avait pris la parole quelques minutes plus tôt. Il reste sur la même ligne de fermeté et demande le rassemblement plutôt que la polémique. Daesh a rapidement revendiqué l'attaque d'hier à Saint-Étienne-du-Rouvray, non loin de Rouen, en Seine-Maritime. Deux individus ont pris en otage un prêtre, des sœurs et des fidèles avant d'être abattus par la BRI. Le curé Jacques Hamel a été égorgé et une autre personne est toujours ce matin entre la vie et la mort. L'un des assaillants a été formellement identifié. Il s'agit d'Adel Kermich, 19 ans et habitant de la commune. Il était connu des services antiterroristes pour avoir tenté par deux fois de se rendre en Syrie. L'individu avait été incarcéré avant d'être libéré sous bracelet électronique, ce qui crée la polémique. Depuis hier soir, le parquet antiterroriste avait fait appel de cette décision mais n'avait pas obtenu gain de cause. Le deuxième auteur de l'attaque est en cours d'identification et des perquisitions se poursuivent. Un mineur a été placé en garde à vue. Le président réunit ce matin à 8h45 un conseil de défense à l'Elysée. Il reçoit juste avant les représentants des différents cultes religieux avant de réunir le conseil des ministres à 9h30. Une enquête préliminaire ouverte à Nice pour abus d'autorité. Elle a pour objectif de vérifier les affirmations de Sandra Bertin. La policière municipale affirme avoir reçu des pressions pour mentir sur le dispositif policier au soir du 14 juillet. Le procureur dispose désormais de tous les éléments. L'identité de la personne qui aurait contacté cette chef du service de vidéosurveillance va être vérifiée. Il ne s'agirait pas d'un membre du cabinet du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Une nouvelle mise en examen à la mairie de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Après le maire Patrick Balkany et sa femme, c'est le directeur général des services techniques qui est dans le collimateur de la justice. Thierry Brandac a été mis en examen pour trafic d'influence passif, corruption passive et recel. Il n'a pas été placé en détention provisoire. Le parquet refuse pour l'instant de confirmer un éventuel placement sous contrôle judiciaire. Du sport et du foot, c'est officiellement la reprise là ce soir pour Monaco. Les hommes du Rocher jouent le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ils se déplacent en Turquie pour affronter le Fenerbahçe. Coup d'envoi à 20h45. Match nul hier soir. Deux buts partout entre Rostov et Anderlecht. Et 1-1 entre 1-1 entre Salonique et l'Ajax Amsterdam. Et puis il y a pas mal d'infos mercato. Là, on verra tout ça à 7h. La purge qui sera donc un gros point alors tout à l'heure. Ouais, un gros point. Ouais. J'ai pas mal de trucs à vous dire. La purge qui se poursuit dans la délégation russe à 9 jours des JO de Rio, conséquence du scandale lié à un présumé dopage d'État. 108 Russes sont désormais privés de jeu. Les derniers en date, 22 rameurs suspendus par les instances de leur discipline. Merci Rémi. Retour donc tout à l'heure à 7h avec donc ce gros point mercato. Alors. Ouais, ça marche à tout à l'heure. À tout à l'heure, il est 6h32 sur Skyrock. On est mercredi aujourd'hui, 27 juillet. Peut-être un Rihanna, peut-être deux. Si on a deux à la suite, là maintenant sur Skyrock, vous envoyez Rihanna par message au 7-20-20 et vous repartez avec 5 places pour son concert. Grand concert qu'elle prépare au Stade de France. Ce sera samedi. En plus, mortel, hein, samedi soir, lendemain, repos, peut-être les vacances là aussi pour certains, mais même pour ceux qui taffent, pourraient faire la grasse mat dimanche après le grand concert de Rihanna. On écoute This Is What You Came For là maintenant sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Looking at you. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. Le morning. Le morning rap et R&B. 6h-9h sur Skyrock. Show you how to move. De Rihanna à la suite, vous faites le 7-20-20, vous envoyez Rihanna par message au 7-20-20 et vous repartez avec des places, 5 places pour son concert avec Skyrock au Stade de France, ce sera samedi. Et on va écouter justement deux types de Rihanna, Panda Replay avec This Is What You Came For. Petit tour au standard pour rejoindre Audrey qui est là, qui est réveillée, qui nous envoie un message. Salut Audrey. Salut. Je te demande même pas si ça va puisque j'ai la réponse avec ton salut Audrey. Ah ouais, Ouais, c'est clair, moi ça va, je suis au top là. Tu es en pleine forme, tu es bien réveillée ce matin. Ah bah avec vous, c'est clair, ouais. À 6h40, merci pour le petit compliment. Audrey, tu fais quoi aujourd'hui toi? Bah du coup, je vais au boulot là en fait. Et c'est quoi ton taf? Bah je suis responsable en boulangerie, donc au taquet dès le matin. Ah oui, petite dédicace pour tous les boulangers, réveille très très tôt, hein. Comme chaque jour, levé quelle heure toi aujourd'hui là Audrey? Ah bah 5h tous les matins. 5h, ok. Et par contre, tu termines un petit peu plus tôt, non quand même? Ouais, ça va, mais on compte pas trop ces heures. Ah, vous comptez pas les heures? Ah bah non, mais bon, après, c'est comme ça. Ce soir, on bosse. Sortie du taf aux alentours de 21h, quoi, à peu près. Non, faut pas déconner. Non, quand même. Bon, Audrey, voilà, t'as gagné. C'est pour toi les 5 places de Rihanna. Ah ouais, bah merci beaucoup, c'est génial. Je suis trop contente là. Ça va être une soirée de dingue là, samedi. Ouais, grosse soirée de folie, soirée de dingue, comme tu dis. 5 places pour toi pour le Stade de France de Rihanna. Ah ouais, bah merci beaucoup, hein, vous dirai rien. C'est gagné, Audrey. Passe génial. Une bonne soirée avec tes potes, avec la famille, avec qui tu veux. Voilà. C'est parti avec les potes là. Tu vas pouvoir distribuer tout ça autour de toi et puis passer une belle soirée donc samedi au Stade de France pour les matériels. On te souhaite une bonne journée Audrey, on te fait un gros bisou. Bonne journée, bisous. Et puis éclate-toi bien donc samedi soir. On remet ça là tout à l'heure sur Skyrock. Deux titres de Rihanna, vous faites le 7-20-20, vous envoyez Rihanna et c'est gagné. 5 passes pour son Stade de France. Fifth Harmony, c'est pour la suite du son sur Skyrock dans le Morning Rap R&B. 6h41. On va écouter Work From Home et puis l'horoscope de l'amour aussi arrive. En place de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. This is Rihanna. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. So you guys ready? 65 centimes plus coup d'un SMS. Tu veux rencontrer le mec de tes rêves? C'est facile, tu peux te mettre au sport, changer de style vestimentaire, sortir tous les soirs en boîte et faire des séances de bronzage. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des mecs cool près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Allez, Fifth Harmony se prépare, Work From Home, 6h42, mais juste avant l'horoscope, c'est parti. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et oui, l'horoscope de l'amour tous les matins entre 6h et 9h dans le Morning Rap R&B avec votre puissance amoureuse hein, sur une échelle de 0 à 5. 0 aujourd'hui pour les Sagittaires, les Cancers, petit moral et peu d'amour. 1 pour les Lions et les Balances. Vous avez connu des jours meilleurs, alors courage pour cette journée plus que moyenne. 2 pour les Scorpions, les Capricornes. Ne refusez pas un petit café ou un verre durant la journée car derrière se cache une rencontre sympa. 3 pour les Béliers et les Gémeaux. Vous êtes en forme, vous allez vivre une belle journée. 4 sur 5 pour les Vierges et les Verseaux. Personne ne vous résiste aujourd'hui. Si vous êtes en couple, votre partenaire sera comblé de bonheur. Et puis 5 sur 5 de puissance amoureuse en ce mercredi 27 juillet pour les Poissons et les Taureaux. Journée parfaite. Vous êtes celui ou celle qui enverra des rayons de soleil et d'amour autour de vous. Allez, 6h43 sur Skyrock. Dans un instant, on va écouter le son de Jules. Nouveau Jules, s'appelle Mon Bijou. Et juste avant, les 5 filles qui cartonnent en ce moment avec ce titre qui s'appelle Work From Home. Voici les Fifth Harmony sur Skyrock. I worry about nothing, I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't But you gotta go to work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. And my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you don't gotta go to work, work, work, work, work.

something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Il a bien fait de sortir ce son hein, puisque c'est le carton mondial là, actuellement numéro 1 en France depuis plusieurs semaines et dans plein de pays dans le monde. Justin avec Can't Stop the Feeling, en attendant un album qui est prévu pour Justin Timberlake. Va falloir patienter puisque c'est pas tout de suite. Il est prévu pour début 2018, donc on a le temps hein, quand même avant l'arrivée du nouvel album de Justin Timberlake. Il est 6h53, bonne matinée tout le monde à l'écoute de Skyrock avec la suite du son. Et la suite c'est Black & Yellow. On va se faire un bon classique là, Wiz Khalifa dans un instant. Tiens d'ailleurs, donnez-nous des idées de classiques là. Rap R&B français ou US. Envoyez vos petits messages sur l'appli Skyrock FM. Et puis par SMS aussi au 41 759. Concert Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 19 juillet au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. R&B. Le morning rap et R&B, 6h-9h sur Skyrock. Yeah. Paint. Them niggas scared of it, but them hoes ain't. Soon as I hit the club, look at them hoes' face. Hit the pedal once, make the floor shake. Sway inside, my engine roaring. It's the big boy, you know what I paid for it. And I got the pedal to the metal. Got you niggas checking game, I'm balling out on every level. Hear them haters talk, but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for them, nigga breaking hearts. Push to start. Yeah. You know what it is. Everything I do, yeah, I do it big. Yeah. Screaming that's nuts. When I pulled off the lot, that's nuts. Repping my town. bitches love me cause I'm fucking with their best friends. Not a lesbian, but she a freak though. This ain't for one night, I'm shining all week, ho. I'm sipping Clico and rocking yellow diamonds. So many rocks up in my watch, I can't tell what the time is. Got a pocket full of big faces, throw it up cause every nigga that I'm with, Taylor. Yeah. To do that crowd underneath them clouds can't get close to you, and my car look unapproachable, super clean but it's super mean. She wanna fuck with them cats, smoke weed, count stacks, get fly, take trips, and that's that. Real rap, I let her get high, she want and she feel that convertible drop feel 87 the top peel back. You know what it is. You know what it is. Y'all already know what it is, man. If you don't, you should by now. Remember my time when you see me, you don't know anything. Black and yellow. I put it down. Taylor Gang. My diamonds are in. Black and yellow. C'était bon ça, Wiz Khalifa sur Skyrock avec Black and Yellow, 6h58. Tiens d'ailleurs, vous l'écoutez quoi comme classique hein? On se fait plein de classiques là tous les matins entre 6h et 9h dans le morning rap et R&B. On nous propose If I Rule the World, Nas avec Lauryn Hill. On nous propose Lil Wayne aussi avec Lollipop, du son de Tupac avec California Love. Tiens, vous êtes carrés les auditeurs hein. Ah, français quand même avec Full ou Flop qui nous dit Psychiatre de la Rime, le son des bandits. On nous propose du Safe You, du Nas NTM. On va checker tous vos messages là. Dites-nous sur l'appli sur le net skyrock.fm et par SMS au 41 759. C'est mercredi aujourd'hui, on est le 27 juillet, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Rémi est là, en pleine forme. Et ouais, comme d'hab. Et avec une météo qui est, elle, moyennement en forme, on va dire. Ouais, ça va, il fait quand même assez beau aujourd'hui, mais on a de la pluie, des nuages dans le nord, hein, du Finistère au nord, Pas-de-Calais. Ouais, c'est ça le truc. Voilà, c'est ça le truc, donc c'est pas terrible par là. Par contre, ailleurs, ça va aller aujourd'hui, une journée relativement agréable, même si c'est un petit peu plus nuageux quand même qu'hier. Les températures ce matin, 12 degrés à Beauvais, 13 à Nevers, 14 à Lille et à Clermont-Ferrand, 15 à Nantes et au Mans, 17 à Bordeaux et à Paris, 19 à Lyon, 21 à Toulouse, 22 à Marseille, 23 à Nice. Dans l'après-midi, il fera 20 à Cherbourg, 22 à Caen et à Lille, 24 à Biarritz, 25 à Nancy et à Paris, 26 à Troyes, 27 à Saint-Etienne, 29 à Toulouse, 30 à Marseille et à Lyon, 32 à Valence et 35 du côté de Nîmes. La pollution, c'est plutôt bon. Les indices compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Montpellier, Toulon, Nice et Mulhouse. On écoute Mike Posner et tout le Pili Nibiza dans un instant. Il est 7h. Là, on fait un point sur l'actu avec toi, Rémi. Ouais, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations après l'attentat d'hier dans une église de Saint-Etienne-du-Rouvray en Normandie. L'un des deux terroristes a été formellement identifié, Abdel Kermich, 19 ans, habitant de cette commune de 27 000 habitants. Il était connu des services antiterroristes pour avoir tenté par deux fois de se rendre en Syrie. L'individu avait été incarcéré avant d'être libéré sous bracelet électronique. Certains parlent ce matin de manquement de la part de la justice et d'un drame qui aurait pu être évité. Le parquet antiterroriste avait pourtant fait appel de cette décision mais n'avait pas été entendu. Un début de polémique donc lié à la justice mais aussi une autre concernant la sécurité. Daesh a revendiqué l'attaque et nous prouve que ces soldats peuvent attaquer partout et à tout moment. François Hollande s'est exprimé hier soir. Il demande aux Français de se rassembler et il fait comprendre à la classe politique que l'heure n'est pas au règlement de compte. Il reçoit ce matin les représentants des cultes avant de réunir un conseil de défense, puis le traditionnel conseil des ministres. Les deux individus ont pris en otage un prêtre, vous le savez, des sœurs et des fidèles avant d'être abattus par la BRI. Le curé Jacques Hamel a été égorgé. Une autre personne est toujours ce matin entre la vie et la mort. L'identité du deuxième assaillant n'est pas encore connu. Les perquisitions se poursuivent et un mineur a été placé en garde à vue. Le chômage qui augmente une nouvelle fois, les chiffres ont été communiqués hier soir, plus 0,2% en juin, soit 5400 personnes supplémentaires sur les listes de Pôle emploi, un nombre qui est toutefois en baisse de 0,7% sur un an. Ce sont les jeunes qui ont été les plus concernés par la hausse le mois dernier. Le début d'une semaine de grève chez Air France, préavis déposé par les hôtesses et les stewards. Les syndicats veulent peser sur les négociations d'accords d'entreprise. Le mouvement tombe en plein chassé croisé entre juilletistes et haussiens ce week-end. Les prévisions du trafic ont été revues à la hausse. Ça, c'est la bonne nouvelle. La compagnie prévoit d'assurer 82% de ses vols. Les flammes qui gagnent du terrain en Californie. Un incendie ravage depuis vendredi la banlieue nord de Los Angeles. Le sinistre avance poussé par le vent et les fortes chaleurs. Il arrive aux portes de Santa Clarita où quelques 20 bâtiments ont déjà été détruits. Du sport et du foot avec pas mal d'infos mercato à vous donner ce matin. Le Cap Pogba, tout d'abord, qui semble un petit peu plus difficile qu'on le pensait. Si le montant du transfert à 120 millions d'euros semble réglé, il reste la commission. Eh oui, la commission de l'agent Mino Raiola. Il espère toucher. De l'escroc, tu veux dire? Ouais, bon, c'est vrai. Il fabule un peu parfois, c'est vrai. Il espère toucher 25 millions dans cette affaire, mais la Juve et Manchester, en fait, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui des deux clubs doit verser la somme. Ça se renvoie un petit peu la balle. Du coup, l'agent, il a tranché hier assez fermement, comme il a l'habitude de faire. Il a carrément annulé la visite médicale de Pogba prévue chez les Red Devils. En parlant de gros sous et de Juve, vous devez savoir qu'Higuain devient le troisième transfert le plus cher de l'histoire. L'attaquant de Naples a été vendu au champion d'Italie pour 90 millions d'euros. Lyon qui referme pour l'instant le dossier Lacazette. Jean-Michel Aulas a refusé une proposition d'Arsenal qui tablait sur un chèque de 35 millions. La direction a été claire. Lacazette est l'un des leaders du groupe de Bruno Genesio. Il est irremplaçable. Et puis, la question de l'avenir de Blaise Matuidi, toujours posée. Il pourrait bien quitter le PSG là dans les prochains jours. Si le Parisien a envie de découvrir la Première Ligue, c'est en Italie qu'il risque d'évoluer. Donc ça, on verra. Il pourrait remplacer Pogba dans l'entrejeu. Forcément, si Pogba s'en va, l'ancien Stéphanois serait séduit à l'idée de s'engager avec une formation qui souhaite briller cette année en Ligue des Champions. Enfin, rien de confirmé pour l'instant, mais un nouveau club peut-être pour Kevin Gamero, le Français qui évolue au FC Séville, se rapproche de l'Atlético Madrid pour rejoindre donc Griezmann. Le montant de la transaction serait de 30 millions d'euros. Ça a bougé cet été, comme tous les étés, hein, d'ailleurs. Ah ouais. Rémi, tu reviens dans moins d'une demi-heure maintenant. Bah oui, à 7h30. Bah ouais, parce que je regarde l'heure, là, il est 7h02, donc dans 28 minutes, le retour de l'actu. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Rémi. Et le son, continue sur Skyrock, hein, le Morning Rap R&B avec la roulette aussi qui va tourner. La compile Planète Rap 2016 à gagner, avec aussi l'enceinte Monster Backfoot, c'est une enceinte qui déchire, qui vaut 200 euros, qu'on peut mettre dans l'eau. Voilà. Donc ça, c'est le petit plus de l'enceinte. On vous la file tout à l'heure. Et pour le son, Mike Posner, là, tout de suite, enchaîné à Nekfeu. Juste après, on écoutera J'aurais pas dû. To show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller. Cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad soul. Darling, oh, I know a sad soul. Sad soul. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage and stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls. Sad souls. Darling, oh, I know our sad souls. Sad souls. I'm

classroom. Now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like I robbed Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. Avec Dr. Dre, on vient d'écouter California Love à l'instant sur Skyrock. On est mercredi là aujourd'hui, milieu de semaine. Allez, courage si vous êtes en train de vous réveiller, peut-être en train de bosser, peut-être en train de vous écouter dans les voitures, déjà en direction du boulot. 27 juillet, on fait un point sur l'actu là tout de suite, l'actu, le sport, la météo avec Rémi. Et juste après, on écoutera le son de Alicia Keys avec In Command. Salut Rémi. Salut Mehdi. Alors, la météo, ça dit quoi avant l'actu? Ah, bah ça dit que ça reste quand même une belle journée. Hein. Le soleil va faire de belles apparitions partout, sauf si vous êtes dans le nord, ce sera maussade pluvieux aujourd'hui. Du Finistère au Nord-Pas-de-Calais. Les températures pour ce matin, 13 degrés à Blois, 14 à Lille et à Rouen, 15 à Besançon et à Limoges, 17 à Strasbourg et à Paris, 19 à Lyon, 21 à Avignon et 22 à Marseille et à Montpellier. Au meilleur de la journée, il fera 20 au Havre, 22 à Lille et à Rouen, 24 à Rennes, 25 à Paris, 26 à Poitiers, 27 à Annecy, 29 à Limoges, 30 à Marseille et à Lyon, 32 à Perpignan et 33 du côté de Montpellier. La pollution, c'est plutôt bon. Les indices sont compris partout entre 2 et 4. Ça monte à 5 vite fait hein, sur Montpellier, Toulon, Nice et Mulhouse. 7h30 pile. Alicia Keys arrive juste après l'actu maintenant. Le président qui reste sur la même ligne de conduite, François Hollande, affiche sa fermeté et demande le rassemblement plutôt que de la polémique. Daesh a rapidement revendiqué l'attaque d'hier à Saint-Étienne-du-Rouvray, non loin de Rouen, en Seine-Maritime. Deux individus qui ont pris en otage un prêtre, des sœurs et des fidèles avant d'être abattus par la BRI. Le curé Jacques Hamel a été égorgé. Une autre personne est toujours entre la vie et la mort ce matin. L'un des assaillants a été identifié. Adèle Kermiche, 19 ans, réside dans la commune. Il était connu des service antiterroriste pour avoir tenté par deux fois de se rendre en Syrie. Deux tentatives qui ont échoué, l'une en Allemagne et l'autre en Turquie. L'individu avait été incarcéré avant d'être libéré avec bracelet électronique à la cheville. Le parquet antiterroriste avait fait appel de cette décision mais n'avait pas obtenu gain de cause. Le deuxième auteur de l'attaque

ta vie comme un chinois. J'envoie des sons pour venir la mort. Partir saoul, se nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, j'suis parano. Faut pas qu'on me laisse seul, même par amour. Avec Emotions en version Skyrock. Il est 8h28, on est le 27 juillet aujourd'hui, mercredi. Dans un instant, on va écouter le son de qu'est-ce que je vous ai prévu? Dans un instant, je vous ai prévu Drake avec One Dance. Ça arrive juste après un point sur l'actu, le sport et la météo, le dernier point de la matinée avec Rémi. Yep. Salut Rémi. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bah, la pêche comme tous les matins. Alors la météo, comment ça se passe? Eh ben, ça reste une belle journée côté ciel, hein. Le soleil va faire de belles apparitions partout, sauf dans le nord malheureusement aujourd'hui. Ce sera maussade et même pluvieux du Finistère au Nord-Pas-de-Calais. Les températures, on a 13 degrés à Blois, 14 à Lille et à Rouen, 15 à Besançon et à Limoges, 17 à Strasbourg et à Paris, 19 à Lyon, 21 à Avignon, 22 à Marseille et à Montpellier. Au meilleur de la journée, il fera 17 sur les planches de Deauville, 18 à Pirou-Plage, 20 à Pornic, 22 sur le sable de Royan, 23 à Arcachon et puis 28 si vous êtes au bord de la Méditerranée, notamment à Saint-Tropez. La pollution, c'est plutôt bon, les indices sont compris entre 2 et 4, ça monte à 5 sur Montpellier, Toulon, Nice et Mulhouse. One Dance de Drake a écouté juste après un point sur l'actu maintenant à 8h29. Mais le choc pour les uns, la peur pour les autres et un sentiment général d'indignation. Ce sont les mots qui reviennent le plus souvent ce matin au lendemain d'une attaque terroriste dans une église de Saint-Étienne-du-Rouvray. En Normandie, deux individus ont pris en otage, vous le savez, un prêtre, des sœurs et des fidèles avant d'être abattus par la BRI. Le curé Jacques Hamel a été égorgé. Une autre personne est toujours entre la vie et la mort ce matin. L'un des assaillants a été identifié. Il s'agit d'Adel Karmich, 19 ans, habitant de cette commune de 27 000 habitants. Il était connu des services antiterroristes pour avoir tenté par deux fois de se rendre en Syrie. Il a tenté, mais il n'a pas réussi parce qu'il a été interpellé à la fois en Allemagne et en Turquie. L'individu avait été incarcéré puis libéré avec bracelet électronique. Le parquet antiterroriste avait fait appel de cette décision mais n'avait pas obtenu gain de cause. Le deuxième auteur de l'attaque est en cours d'identification. Des perquisitions se poursuivent. Un mineur a été placé en garde à vue et l'enquête est en cours. François Hollande est actuellement avec les représentants des cultes à l'Élysée. Il réunira là dans un petit quart d'heure un nouveau conseil de défense avant le traditionnel conseil des ministres qui sera largement consacré à la sécurité. Le chômage qui augmente une nouvelle fois, les chiffres ont été communiqués hier soir, plus 0,2% en juin, soit 5400 personnes supplémentaires sur les listes de Pôle emploi, un nombre qui est toutefois en baisse de 0,7% sur un an. Ce sont les jeunes qui ont le plus trinqué par la hausse le mois dernier. Les flammes qui gagnent du terrain en Californie, un incendie ravage depuis vendredi la banlieue de Los Angeles, banlieue nord, le sinistre avance, poussé par les fortes chaleurs et par le vent. Il arrive aux portes de Santa Clarita où quelques 20 bâtiments ont déjà été détruits. Du sport et du foot, c'est officiellement la reprise ce soir pour les Monégasques. Les Hommes du Rocher jouent le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ils se déplacent en Turquie pour affronter le Fenerbahçe. Coup d'envoi à 20h45. Match nul hier. Deux buts partout entre Rostov et Anderlecht et 1-1 entre Salonique et l'Ajax d'Amsterdam. Et puis pas mal d'infos mercato à vous donner. On vous l'avait promis, on vous le fait. Le cas Pogba tout d'abord qui semble un petit peu plus difficile qu'on le pensait. Si le montant du transfert à 120 millions d'euros semble réglé, il reste la fameuse commission de l'agent Mino Raiola. Il espère toucher 25 millions dans cette affaire, mais la Juve et Manchester se renvoient un petit peu la balle, lequel des deux clubs doit payer. Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver de solution. Du coup, l'agent a tranché hier, il a carrément annulé la visite médicale de Pogba prévue chez les Red Devils. En parlant de gros sous et de Juve, vous devez savoir que Higuain devient le troisième transfert le plus cher de l'histoire. L'attaquant de Naples a été vendu au champion d'Italie pour 90 millions d'euros.

Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. Le morning, morning. Le morning. Rap et R&B. 6h-9h sur Skyrock. Yeah.

Y a moyen de faire une petite dédicace, s'il te plaît? Y a moyen, Vas-y, on t'écoute. Bah, là, je fais une petite dédicace à mon pote Vince qui est en Slovénie, qui travaille. Courage, mon frère, t'inquiète, je te soutiens. À tous les mecs, donne les sous-voix qui me reconnaîtront jusqu'à Bordeaux. Et El Diablo numéro uno. El Diablo numéro uno, c'est qui lui? C'est un groupe de chicha sur Facebook. Ah, d'accord, ok. Très bien. Voilà. Chicha, c'est quoi ton parfum préféré, toi? Moi, menthe pamplemousse. Mm-hmm. Après, sinon, c'est Absolute Zero, hein. Ah ouais, là on est dans la vodka là. Non, Absolute Zero c'est Social Smoke, c'est mon poivré. Absolute Zero c'est pas... Ah non, je confonds avec l'Absolute tout court, la vodka quoi. Mais ça ah n'a, non, ça, non, ça Absolute n'a rien... Zero c'est mon poivré. Ah ouais, ça rien à voir avec la vodka. Ah, rien à voir du tout. Ok, très bien. Bon Damien, bah, bonne journée à toi. Merci, merci. Bon allez, courage. Bonnes vacances aussi si tu bouges cet non, été. Non, je travaille. Ah, tu travailles tout l'été? Ah, tout l'été, ouais. Bon, allez, courage pour le boulot cet été alors Damien. Merci. Bah, y'a plus! Salut! Allez, dans un instant, y'a Maxime qui débarque pour vos dédicaces et on va écouter Drake aussi avec Rihanna pour Too Good, 8h54. Sans place de concert Rihanna au Stade de France avec Skyrock. This is Rihanna. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. So you guys ready? 65 centimes plus coup d'un SMS. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô jambon, pardon, allô patron? Bah non mais dis donc. Ah bah oui patron, hein, mais c'est pas moi, c'est Lidl. En ce moment, les 6 tranches fines de jambon de Bayonne IGP origine France, forcément, elles sont à 1,59€. Du vrai bon jambon de Bayonne à 1,59€ les 6 tranches? Eh oui patron, hein, c'est du grand lard. Pardon, du grand art. Patron? Patron? J'en ai mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,59€ le paquet de 100 grammes, 15,90€ le kilo. Offre valable jusqu'au mardi 2 août. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chez Conforama, la dernière des marques, c'est maintenant ou jamais. Et c'est jusqu'à moins 80%. Comme le matelas mousse Sun, 140 par 190 à 169,50€ au lieu de 333€, soit moins 50%. Et c'est bientôt fini. Bah alors, on se réveille. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, dates et magasins participants sur conforama.fr. Qui habille colore la vie. Ah, c'est l'été. On se prend pas la tête, on vit en t-shirt. Et on fait son shopping chez Kiabi. En ce moment, le t-shirt très sympa, homme ou femme, avec des imprimés très mode, est à seulement 5€. Ah, c'est l'été. Et même votre porte-monnaie, il se prend pas la tête. Du 27 juillet au 14 août, conditions en magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Vous attendez d'avoir un problème de clim pour vous en occuper? Eh bien, Agathe, non. Bah non, moi j'ai pris les devants, voilà. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Agathe est chez Noroto. Et éviter le coup de chaud, c'est facile avec Noroto. Le forfait entretien clim est à 49€. Et pour seulement 49€, vous êtes sûr de rouler au frais. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. L'événement magique à Disneyland Paris, c'est le nouveau spectacle Mickey et le magicien. Un truc de ouf! Avec plein de personnages Disney. En ce moment à Disneyland Paris, découvrez le nouveau spectacle d'illusion Mickey et le magicien. Retrouvez les personnages Disney comme vous ne les avez jamais vus. R&B. 6h-9h sur Skyrock. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prêt de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste, te fais une grande garde vandale. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez. Keep